Alors, merci pour vos deux communications. Stéphanie, vous avez montré que l'idée reçue sur place à Mazamet, dans le clivage entre protestants de gauche et ouvriers catholiques de droite, n'est pas totalement satisfaisante d'un point de vue historique. D'Etelina, vous avez montré, à travers l'exemple du fonctionnement d'un notaire rural et d'une fête municipale, qu'en situation de coprésence religieuse, des dominations peuvent se reproduire ou s'effacer selon les configurations. Alors, au-delà de ces deux constats, quel rapport peut-on établir entre la Bulgarie contemporaine et la France proto-industrielle du XIXe siècle? Tout d'abord, nous avons une situation de coexistence religieuse où les deux religions présentes sont dans une configuration différente par rapport au contexte national de la ville, de la localité, où on se trouve. Dans une France où le protestantisme, dans ses différentes confessions, est minoritaire, Mazamet fait figure d'exception avec ses 25 à 30% des habitants réformés. Dans une Bulgarie où la population est majoritaire et orthodoxe et où la religion officieuse de l'État est l'orthodoxie, la région de Smolian se caractérise par un paysage confessionnel différent avec 50% de musulmans et 50% d'orthodoxes. De plus, vous avez toutes les deux bien mis en lumière, je trouve, à différentes échelles, la situation, mais également dans ses différentes dimensions temporelles. Il y a le temps immédiat et le poids des déterminations plus longues, Brodeliev, le départ des Ottomans, le réveil des nationalistes bulgares, la fin du communisme d'un côté, la réforme, le grand exil intérieur des protestants après la révocation de l'édit de Nantes, l'affirmation de la liberté religieuse après la Révolution et l'intransigeantisme catholique de l'autre. Alors, on a toutefois deux approches méthodologiques différentes, celle de l'histoire et de l'historiographie sur les 19e et 20e siècles, et puis celle de l'ethnographie d'un moment contemporain, même si finalement les deux approches ont un troisième fil, c'est comment on met en récit ce passé de diversité, d'un côté comme de l'autre. Alors je vous donne plusieurs questions, vous ne sentez peut-être pas obligé de répondre à tout, mais c'est plus des pistes, durant le temps de reprise qui nous reste. Alors pour Detelina Tocheva, je voulais vous interroger, parce qu'à la lecture, c'est ce qui m'a frappé, sur les mouvements sociaux et politiques contemporains dans la Bulgarie et dans cette région de Bulgarie. Je veux dire par rapport aux inégalités. Alors j'ai bien compris, les femmes dans l'hôtel, elles sont employées au noir, donc c'est un salariat pas très organisé qui ne peut pas sûrement beaucoup se défendre. Mais y a-t-il des syndicats ou des mouvements sociaux? Et question que je vous rajoute, si oui, quelle nature ils sont? Est-ce qu'ils sont confessionnels ou laïcs? Je ne sais pas comment s'est reconstruit le paysage syndical bulgare après la chute du communisme. Plus généralement, est-ce qu'on a des phénomènes identitaires aussi en Bulgarie, comme en Europe occidentale, où parfois les groupes religieux utilisent des relais d'opinion des démocraties pour se présenter comme des groupes minorés? Y a-t-il quelque chose de ce type en Bulgarie? Donc, est-ce que le syndicalisme s'assure sur une base laïque ou communautaire? Est-ce que ces éléments-là pourraient nous expliquer cette dépolitisation des enjeux de classe sur place? Pour Stéphanie Maffre, j'ai d'autres questions. Anaïs Albert, qui aurait été mieux que moi cette place, parce qu'elle est historienne des femmes du genre et des ouvriers au XIXe siècle, m'a laissé une remarque pertinente, je vais vous la lire, parce que il y a besoin de la reformuler. Il nous semble qu'un élément intéressant mais non développé dans cette communication est celui de la langue. Les ouvriers à Mazamet d'origine rurale, comme vous le soulignez, parlent au moins jusqu'aux années 60 un patois occitan, alors que l'élite protestante, comme catholique, parle le français. Il y a aussi un élément de coupure culturelle, mais aussi, comme le dit James Scott, un outil des arts de la résistance. Car la grève et le mouvement ouvrier, bien que très importants au XIXe siècle, ne peuvent pas être à eux seuls la mesure de la résistance ou de l'émancipation. Donc est-ce qu'on ne peut pas interpréter la non-syndicalisation des ouvriers catholiques qui parlent l'Occitan comme une forme de résistance à l'hégémonie culturelle des protestants? Pour faire un parallèle avec la Bulgarie, est-ce qu'il y a une religion civique dans la Mazamet du XIXe siècle comme ce banquier du village de Béhar? Est-ce que la ritualité républicaine, je ne sais pas, le départ des conscrits, les commémorations officielles, le 14 juillet, efface-t-elle ou met-elle en scène les différences religieuses ou sociales? si vous avez le temps, vous pourriez répondre à cette petite question, mais vous plaidez pour une histoire qui croise les sources et donne la parole à ceux et celles qui ne l'apprennent pas, les étrangers, les femmes, les minorités. Est-ce que vous en avez trouvé d'exploitables, des sources de cet ordre-là? De quelle nature sont-elles? Suzanne Citron est décédée dernièrement, une historienne qui a pas mal déconstruit les récits qui poussent les communautés à être nationalistes, alors que localement on pourrait faire son travail. Et pour toutes les deux, j'ai une question, parce que à travers vos deux exemples finalement, que ce soit en Bulgarie ou dans le Tarn du 19e siècle, la coprésence religieuse n'a-t-elle pas invisibilisé, plus que rendu invisible, plus que reconfiguré les rapports de domination et les luttes d'émancipation? Parce que en Bulgarie, si je comprends bien, seul le patron grec utilise une étiquette confessionnelle, il l'affiche, mais sinon c'est très très euphémisé le religieux en Bulgarie, j'ai l'impression aussi, enfin, que c'est plus culturel qu'une pratique, ou ça se met pas dans une idéologie. Donc est-ce que ce religieux culturel a empêché la conscience de soi comme un groupe socio-économique? Est-ce qu'il y a des nouveaux courants? Est-ce que les courants universels de l'islam dont on a parlé tout à l'heure, alors je ne sais pas, les frères musulmans, je ne sais pas si Gulen, ça a touché les turcophones, mais peut-être pas ce groupe musulman sunnite, est-ce que ce genre d'idéologie aussi existe en Bulgarie? Et à Mazamé, moi ce qui me marque, et je finirai là-dessus, les élites politiques et religieuses de la ville, elles sont très très attachées à un idéal de concorde civile. Alors dans des pays qui ont été, des régions de France qui ont été marquées par le temps long des guerres de religion, ça se comprend peut-être, mais je me suis, voilà, si je résume, comment expliquer que cette mémoire des divisions religieuses, ou alors l'emporte sur le temps des rapports sociaux? Et pourquoi Mazamé, c'est pas Carmo? Carmo, c'est une ville qui n'est pas très loin, alors pour ceux qui ne sont pas historiens, la ville dont Jean Jaurès était député, c'est une ville minière du Tarn, qui est située pas très très loin de Mazamé. Voilà, est-ce que Mazamé ne peut pas devenir Carmo à cause de la coprésence religieuse? Voilà.